Re-bienvenue, vous écoutez Toujours Futur Simple au CKRL 89.1. On va faire un petit tour dans la nature aujourd'hui maintenant. L'étude des plantes, la botanique, c'est assez ancien, disons. Déjà, 327 avant Jésus-Christ, Théophraste définit la botanique comme la discipline de l'étude des plantes, et c'est à partir de là que c'est devenu une discipline à part entière. L'identification et la taxonomie des végétaux est un travail de très longue haleine, c'est de la patience que ça prend, et ça s'étend sur des décennies, des centaines d'années. La flore laurentienne du frère Marie-Victorin, c'est vraiment une référence encore utilisée de nos jours par les scientifiques et est incontestablement une œuvre monumentale et charnière pour la botanique au Québec. D'ailleurs, je l'ai vu traîner sur le comptoir de mon grand-père. Christiane Dupont va nous présenter aujourd'hui le parcours de Marie-Victorin et de sa Bible des plantes. Bonjour, Christiane. Bonjour. Alors, oui, c'est ça. Aujourd'hui, j'essaie de parler de la flore laurentienne parce que c'est un livre qui existe depuis très longtemps, mais on sait pas l'histoire de tout ça, là, finalement. OK. Il y a beaucoup des gens qui ont entendu parler de Marie-Victorin. Moi, j'ai une rue pas loin de chez nous qui s'appelle comme ça. Mais c'était qui, réellement? Oui, c'est ça. Il y a des parcs, il y a des monuments, il y a des toutes sortes d'affaires. C'est sûrement une école primaire qui s'appelle de même. Une bibliothèque. C'est ça. Mais qui est-elle? Ben, il est pas né en s'appelant Marie-Victorin, hein. C'est un nom religieux. Il s'est appelé Conrad Kirouac. Okay. À sa naissance, il est né à Kingsey Falls, dans les cantons de l'Est, en 1885. Ça fait un petit bout de temps quand même. Son père, Cyril Kirouac, qui est un riche commerçant, bon, tout ça. Mais en 1870, les Kirouacs vont déménager dans le quartier Saint-Sauveur, à Québec. OK. D'ailleurs, le quartier où j'habite, et j'habite sur la rue Kirouac. Tu vois, le monde est petit des fois. bon, il habite une belle maison, richement meublée dans Saint-Sauveur. Donc, il vit dans une famille quand même aisée de commerçants. Et puis, en 1901, il fait son entrée au Mont de la Salle à Maisonneuve sur l'île de Montréal chez les frères des écoles chrétiennes. Donc, c'est là son premier contact avec le monde religieux, finalement. Après 2 mois, il prend l'habit. Il aime beaucoup ça. Il sent qu'il veut se diriger un peu vers ce créneau-là dans sa vie. Il veut s'appeler Marie. Et c'est à ce moment-là qu'on lui donne le nom de Marie-Victorin. C'est le nom qui va le suivre jusqu'à la fin de sa vie. Donc, le nouveau frère, Marie-Victorin, a plein d'enthousiasme et aime beaucoup écrire. Il a un côté très artiste, il a un côté littéraire. Pour lui, les études, c'est facile. C'est vraiment quelqu'un qui a une facilité avec les sciences, avec les arts, avec tout, finalement. En 1804, son père lui fait cadeau d'un microscope, qui était quand même un élément important, parce que, bon, un microscope, on découvre plein de choses qu'on voit pas avant, qu'on voyait pas. Là. On met n'importe quoi, tout devient intéressant. Mais malheureusement, il y a quelque chose qui va le suivre toute sa vie, c'est une santé qui est plus fragile. Parce que vers cette époque-là, il développe une sorte de tuberculose. Il en meurt pas, vu qu'il va mourir plus tard, mais ça, c'est une faiblesse qui va le suivre un peu toute sa vie. Et puis, c'est à ce moment-là, vu qu'il fallait qu'il se repose beaucoup, qu'il a comme approfondi son intérêt pour la botanique. Donc, il a commencé à établir avec le temps qui passe, évidemment, l'histoire est plus riche que ce que je dis en ce moment, mais c'est une très longue histoire. Donc, bref, on fait un résumé. Il va commencer à établir des contacts avec des grands spécialistes, même l'université Harvard aux États-Unis. Donc, il y a déjà, à ce moment-là, des flores qui existent du nord-est des États-Unis, plus en anglais. Mais, bon, bref, ça n'existe pas encore à cette époque-là, la flore laurentienne. OK. Mais avant la flore laurentienne, il y avait d'autres guides sur les plantes, j'imagine? C'est ça, il y avait d'autres guides, mais c'était moins élaboré, c'était plus sommaire. Avant Marie-Victorin, un autre que peut-être le nom vous dit quelque chose, c'est Léon Provencher. Il y a une maison à Caprouges qui s'appelle comme ça, il y a un marais dans Portneuf qui s'appelle le marais Léon Provencher. C'est un autre grand homme des sciences naturelles qui date un peu avant Marie-Victorin. Donc, lui, Léon Provencher, il a produit beaucoup d'écrits, donc dont la première flore du Bas-Canada. Okay. Ça s'appelait le Bas-Canada. Le Bas-Canada à cette époque. Une idée de la date. C'est ça. Donc, en 1862, c'est la flore du Bas-Canada qui était publiée, mais elle n'était pas... Ça peut sonner simple comme ça, mais il y en a des plantes. Et puis, elle n'était pas aussi exhaustive que la flore laurentienne. Et la flore laurentienne n'est encore pas exhaustive de tout ce qui existe au Québec. Faut garder ça en tête. Donc, Marie-Victorin utilisait la flore du Bas-Canada pour ses études. Un genre de guide. Un guide. Mais lui, il s'est dit, moi, je veux écrire une nouvelle flore du Québec. Lui, il a vu grand. Il savait pas à quel point il fallait qu'il voie grand pour, mener à terme ce projet-là. Donc, au fil du temps, il va commencer par des publications d'envergure un peu plus petite. En 1916, il va publier la flore du Témiscouata. Faut bien commencer quelque part. Il a commencé par le Témiscouata. Le frère Marie-Victorin va aussi publier plein de livres dans des revues savantes, dans plein de revues savantes du temps, dont les récits laurentiens, il fait des croquis aussi, plus des dessins. Il y a vraiment un côté artistique aussi qui est intéressant dans sa carrière. C'était à la mode, j'imagine, oui. Dans ce temps-là, tous les trucs naturalistes, un peu dans la lignée de Charles Darwin et oui, ces choses-là. Oui, c'est ça. Mais c'était pas encore simple de faire reconnaître ça comme étant une science. Okay. C'était plus de l'observation, oui, selon certains, j'imagine. C'est ça. Donc, il y avait beaucoup de francophones en science à l'époque, j'imagine que non. Ben justement, c'est ça, il y en avait très peu. Moins qu'aujourd'hui, c'est certain. Donc, d'ailleurs, Marie-Victorin avait un côté très engagé. Hein. Je disais, il était doué pour l'écriture. Et lorsqu'il écrivait, ses thèmes de prédilection, étaient la langue française et la place des Québécois dans le domaine scientifique. Donc, lui, s'est beaucoup battu pour ça. Historiquement, les Québécois, la langue française, avaient moins d'argent, étaient moins scolarisés, donc c'était moins présent dans le monde des sciences. Donc, il a vraiment mis l'emphase sur aussi l'importance des sciences dans le développement culturel et économique du peuple canadien-français. Donc, il y a beaucoup de patriotisme, je dirais, dans ses textes. Donc, ça a été quand même quelqu'un d'important aussi pour, on s'en rend pas compte, mais pour la place des Québécois dans la société, finalement, les Canadiens français à cette époque-là. OK. Nous mettre sur la map scientifique. Oui, exactement. C'est ça qu'il pouvait en avoir aussi, là, dans le monde. Et d'ailleurs, le 22 juin 1922, le frère Marie-Victorin est nommé professeur titulaire et élu membre du conseil de la faculté des sciences de l'Université de Montréal. C'est quand même quelque chose pour un petit gars qui a commencé chez les frères, qui est rendu professeur titulaire à l'Université de Montréal. Sans études scientifiques formelles, on s'entend. C'est pas formel. Ben, probablement, oui, il a été enseignant au collège, tout ça, mais okay. C'est qu'il était tellement calé dans le domaine. Que bon, il y a eu un poste. C'était pas dans, comme maintenant, il faut des post-doctorats. Ça marchait probablement un peu différemment. Et donc, ce qui signifie qu'il peut avoir un petit laboratoire de botanique. Oh. C'est là que ça commence. Là. Donc, en ces années-là, en 1922, ça date pas non plus d'il y a 400 ans, quand on y pense. Là. La perception qu'on est Canadien-Français de l'enseignement scientifique est pas très, très bonne. Même il y a pas. Okay. Même le siècle dernier, finalement. Aux yeux de plusieurs, les Canadiens-Français, la science et les sciences naturelles, c'était parti comme les petites sciences, des passe-temps. C'était pas comme sérieux. alors que Dieu sait que ça peut être sérieux, se pencher là-dedans. Donc, le frère Marie-Victorin était vraiment consterné par ça. Il s'est beaucoup battu pour redonner un peu de lustre à cette partie-là des sciences, les sciences naturelles. OK. Puis si on va à la rédaction de la Flore Laurentienne en tant que telle, ça veut dire que Marie-Victorin, il a ratissé le Québec, il a marché le Québec presque au complet. Oui, là. Oui, c'est ça, parce que bon, quelqu'un qui fait être la Flore, là, une genre de Bible, il y a toutes les régions du Québec, Anticosti. C'est sûr qu'il n'y a pas le Nunavik, le grand Nord. Pas le très, très grand Nord, parce que bon, même à cette époque-là, ce n'est pas très évident, parce mais vraiment... Il faut y aller en avion, mais il n'y en avait pas vraiment, tu sais. Mais ils ont vraiment ratissé beaucoup. Il y avait une équipe, évidemment, il n'a pas fait ça tout seul. Donc, dans les années 20, dans les années 30, il herborise partout au Québec. Il va découvrir et nommer plusieurs espèces. Donc, c'est vraiment quand même quelque chose d'important. Déjà en 1927, l'herbier universitaire comptait 25 000 spécimens déjà. Donc, okay. C'est un travail de moine, ça porte bien son nom. Ça prend de la place. Ça, oui, aussi. Puis, bon, rédiger une flore du Québec, ça nécessite un travail très imposant. Il faut compiler, il faut traduire, parce que dans le monde des végétaux et des... La nomenclature nommée des espèces, il y a une manière de nommer qui est comme latin. Et puis bon, ben là, telle autre espèce, des fois, faut que tu compares avec des textes écrits en d'autres langues. En allemand, tel chercheur l'avait nommé de telle manière. Moi, c'est de la redondance. Puis souvent, quand on est dans le monde végétal, les espèces changent de nom parce que là, maintenant, maintenant, avec les études génétiques, finalement, tu sais, il y a beaucoup de changements de nom. Ça, c'était deux espèces, mais là, c'est une espèce. Une espèce, puis c'est une différence morphologique. C'est très complexe, finalement, quand on se plonge là-dedans. Adapter des ouvrages étrangers, des nouvelles monographies de plantes, décider d'un nouveau nom. Cette plante-là, ben, on l'a cherchée partout, on ne l'a pas trouvée. Comment qu'on l'appelle? On la classe où? C'est vraiment pas évident. Donc, il n'y a pas eu le choix de s'entourer d'une équipe très compétente, d'autres fans de plantes comme lui, finalement. Et puis, après beaucoup d'années de travail, le lancement de la Flore Laurentienne a eu lieu le 1er avril 1935 à l'Hôtel Vigée à Montréal. Donc, c'est vraiment le fruit de dur labeur, de dizaines et des dizaines d'années. OK. Puis si on regarde l'anatomie de l'œuvre en détail, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette flore laurentienne-là? Bon, la flore a nécessité une trentaine d'années d'études, des recherches, des explorations, tout ça. Ça a vraiment été... Puis pour quelqu'un qui feuillette, il y a des illustrations de toutes les plantes ou presque. Oui, c'est très beau d'ailleurs, les dessins. Oui, c'est quelqu'un qui a fait ça à la main. C'est pas une photo Photoshop ou je sais pas. C'est vraiment à la main. Donc, il y a 917 pages, il y a 22 cartes, 2800 illustrations. Le contenu est moins technique parfois que d'autres flores destinées aux chercheurs, très spécifiquement. Ça s'adresse à un public très diversifié et particulièrement aux non-spécialistes, mais il y a beaucoup de chercheurs qui l'utilisent encore pour identifier sur le terrain des choses. C'est encore une référence. Moi, je travaille dans un labo à l'Université Laval. Un étudiant, il l'a dans sa pile de livres qui traînait. Cet été aussi, je travaillais, puis elle est encore utilisée de nos jours. Mais c'est une œuvre accessible. Oui, c'est accessible. Pas besoin d'une formation spécifique. C'est ça. Faut pas voir des belles grosses photos couleurs. Non, il n'y en avait pas dans ce temps-là, mais c'est quand même clair. Et puis, il y a un petit côté poétique, quand on regarde les descriptions, ils mettaient « Ah, ça, c'est la plus belle fleur. » Ils ont des petites histoires, des fois, des petits aspects médicinaux. Il y a comme une petite touche, là. Une petite interprétation. Oui, exactement. Derrière. Donc, c'est une fleur utilitaire. Il y a aussi des clés d'identification. Bref, moi, j'ai une plante. Elle a deux feuilles, trois feuilles, quatre nervures. On peut comme finir par se démêler et essayer de l'identifier comme ça. Un guide d'identification utile pour exactement. Le néophyte. Peut-être. Pour le terrain, c'est quand même une grosse bible, donc ça peut être un peu lourd à traîner, mais c'est quand même très utilisé aujourd'hui. Puis, fait important aussi, sans m'étaler sur ce sujet-là, Marie-Victorin a aussi été la personne qui a forgé l'idée du jardin botanique à Montréal, ce qui n'est pas rien quand on y pense. Une bonne idée. Une très bonne idée, mais qui n'était pas été facile à faire passer. Je crois que c'est dans l'époque de Duplessis. Je ne veux pas dire des folies, mais je crois que oui. Et puis, c'est lui qui a participé à la naissance du jardin botanique, parce qu'il était inspiré par ses voyages en Europe, partout où il y avait comme une culture en Angleterre, des jardins botaniques depuis plus longtemps. Puis finalement, Montréal, leur première pelletée de terre, on fait un jardin botanique qui a maintenant 22 000 espèces. Donc, c'est un fleuron de la ville de Montréal, c'est une très bonne chose qu'il y ait ça, mais lancer l'idée, c'était pas évident là, dans les années 20-30. On lui lève notre chapeau, d'ailleurs. Oui. C'est vraiment un endroit magnifique que je vous recommande à Montréal si vous y allez. Tout le monde va vous dire, le jardin botanique. Ah oui, c'est vrai. Ça fait du bien un peu de verdure, là, aussi, à Montréal. Dans Montréal, particulièrement, oui. Puis, malheureusement, Marie-Victorin est décédée dans un accident de voiture. C'est comme triste, un peu comme fin. Il aurait pu mourir empoisonné par une plante. Par une plante, déjà, mais non, à l'âge de 59 ans, en 1944. Accident de voiture. Puis, il avait déjà été affaibli par la tuberculose qui l'a suivi un peu toute sa vie. Ça l'a pas aidé, disons. Ça l'a pas aidé. Ça a probablement été un peu plus difficile. Donc, ça a été un deuil national, d'ailleurs, pour le décès de M. Marie-Victorin. Et puis, comme disait un confrère, c'est lui qui, le premier au Québec francophone, a introduit les notions de la génétique, de l'évolution et de l'écologie. Donc, c'est vraiment un personnage très important pour moi, par exemple, qui étudie en biologie. On a des cours sur l'évolution, on a des cours sur la génétique. Maintenant, ça fait partie du cursus, c'est accepté. Mais ces idées-là, au départ, n'étaient pas dans un Québec très religieux. C'était pas évident de faire passer l'évolution, mais c'est pas vrai que tous les frères ou tous les gens de la religion ne croyaient pas en l'évolution. Preuve, il était botaniste. Lui, il voyait bien que ça évoluait avec le temps, qu'il y avait différentes formes. Donc, le créationnisme, c'est pas tout le monde non plus de la religion. C'est vraiment un pan, mais bref, il y a des gens du clergé qui croyaient quand même à... D'ailleurs, la position officielle de Rome supporte l'évolution des espèces à 100%, contrairement à certaines églises protestantes. Américaines, là, c'est ça, qui ont comme leur vision du monde qui peut... En tout cas, à mes yeux, peut-être pas la meilleure. Mais bref, voilà. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'important. Puis je me dis qu'au lieu d'avoir juste le nom, mais maintenant, on connaît un peu l'homme derrière le nom. Très, très intéressant. Je vais maintenant avoir un nouvel intérêt à regarder le nom de rue et où librairie et où statue à côté de chez nous de Marie-Victorin. Merci beaucoup, Christiane, de nous avoir fait connaître ce grand homme quand même. On va faire maintenant une petite pause musicale et on va vous revenir avec la revue de presse de CKRL.